Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur les arts vivants queer. Bienvenue dans la deuxième partie de ce hors-série Queer as Pro sur Freaks et Merveilles. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, n'hésitez pas à commencer par là. Maintenant que les bases et parcours sont posés, ouvrons au public pour des questions, des réflexions, des échanges, le sel de la discussion. Belle écoute! Je me présente, je suis Corinne, je travaille à Centrale et je vais prendre des précautions avant tout parce que je... des précautions pas forcément oratoires, mais partir du côté... Enfin, je vais essayer de retourner en arrière en partant de mon sentiment et de mon ressenti très très personnel. Je ne vais vraiment pas bien dans ce monde qui nous entoure, malgré le fait que je travaille dans un univers qui est quand même un univers assez palpitant. Je me pose pas mal de questions, donc je m'adresse d'abord à Thibaut. Tu nous as parlé de droit culturel. Je suis quelqu'un de très, très sensible à la justice, et donc qui dit droit dit justice. Et quand une injustice est commise, normalement, le truc, c'est le tribunal. Il doit y avoir une forme de tribunal. De cette manière-là, est-ce qu'on débouche sur l'idée de crime ? Enfin, je veux dire, je prends la base de tout ce qui est légal. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, tous les droits sont, enfin, les droits de base sont bafoués. Le droit à disposer de son corps, le droit à l'avortement, enfin, je ne vais pas vous faire la liste, elle est suffisamment déprimante. Les droits régressent au vu et au su de tout le monde. Et des gens qui ont été dans des cours condamnés, qui sont des criminels, on va prendre deux noms, on va prendre Trump qui a du sang sur les mains, Netanyahou qui a du sang sur les mains, ce sont des gens qui ont été condamnés de manière internationale et reconnue, et ces gens ont la parole. Et ces gens ont plus que la parole, ils ont un pouvoir de décision. Et donc, j'essaie, comme je vous disais, je fais un retour en arrière pour essayer de me poser la question par rapport à ce dont on est en train de discuter aujourd'hui. C'est comment on fait pour retrouver du sens dans tout ce qui nous entoure? Comment on fait pour s'impliquer? Comment on fait pour se battre quand déjà, au vu et au su de la planète entière, ça ne va pas, enfin, je veux dire, ça ne fonctionne pas, comme dirait Hugues Daillet dans ses critiques. Ça fait rire beaucoup de monde. Et la culture, elle tombe en premier. Reprenons le Covid. On nous a considérés comme les premiers non essentiels. Après, effectivement, il y a eu des petits soulèvements parce qu'il était de bon ton à l'époque. Je suis très, très, très sarcastique parfois, mais il était de bon ton de à un moment donné s'offusquer, de dire oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais on nous a refusé ça. On a complètement nié la nécessité de culture. Voilà. Et donc, comment fait-on ? Alors, en plus, tu nous expliques, en tant que centre culturel, nous avons des contrats-programmes, des missions, c'est-à-dire qu'on a des choses qui sont balisées, c'est même plus que balisées, on doit aller dans le bon sens. Et quand on est parmi les meilleurs élèves, on avait une ancienne directrice qui disait qu'on était parmi les meilleurs élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et qu'il nous arrive cette histoire de confrérie des connasses et tout ce qui s'est passé on n'est pas aidé, tu le dis toi-même, on nous a pas soutenu, personne n'a pris la parole dans notre nom, donc à un moment donné moi je me sens toute seule, je me sens toute perdue, je me sens mutilée, c'est même pas blessée, je me sens mutilée tous les jours, toutes les secondes, et je me pose la question, Est-ce que l'idée, c'est pas d'essayer de retrouver une manière de faire société, de faire ensemble, parce qu'on est en train de vraiment d'isoler tout le monde, voilà. Et donc, c'est peut-être pas très positif comme question, je suis désolée, c'est un peu plombant. Mais alors après, je vais rebondir sur, j'ai oublié, Monsieur Martens, là, voilà. Éric. On se posait la question, qu'est-ce qui fait qu'il est passé d'un extrême à quasiment l'autre. Et ce qui m'anime dans mon métier à Centrale, c'est d'essayer de toujours susciter l'esprit critique, c'est-à-dire éviter l'endormissement, éviter que pour des raisons X, Y ou Z, tu parlais de le chien est malade ou je ne sais pas quoi, ce qui fait que les gens n'écoutent plus, mais que les gens aient toujours cette espèce d'étincelle en eux d'arrêter de prendre pour argent comptant tout ce qu'on essaye de nous imposer. Voilà, vaste programme. Ok, il y a beaucoup de choses. Peut-être je propose de commencer à l'international pour revenir sur les centres culturels, et ça me permettra peut-être de représenter un petit peu spécifiquement plutôt la méthodologie de travail pour un peu étayer ce que tu partageais aussi, comme ça on repassera de ça. Alors, au niveau international, clairement, y a des condamnations qui sont faites j'avoue que là, au niveau des cours de justice spécifiquement, en tout cas, c'est le tribunal pénal international qui a posé des condamnations au niveau de Netanyahou, en tout cas, en parlant de crimes de génocide, je ne sais plus exactement. Hein, je pense que le mot génocide a été dans la tentative de condamnation. Après, au niveau international, ce qui est toujours très compliqué, c'est que ça se passe à l'international. Et c'est une multitude d'États ensemble qui essayent de se mettre d'accord pour que des jugements soient rendus. Il a été condamné, ça l'empêche quand même pas d'agir. Donc ça montre aussi la force que peut avoir le droit. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher le droit non plus, en fait, hein, qu'il faut quand même aussi continuer à le défendre, mais qu'on est quand même dans des enjeux multilatéraux avec beaucoup d'échelles et de complexités, etc., qui ne sont pas évidentes. Ça ne veut pas dire que ça invalide complètement le fait que ce jugement soit rendu, mais en fait, on voit à quel point, finalement, on s'en fout, il continue, quoi. Et puis, il y a quelqu'un comme notre Premier ministre qui vient dire qu'en fait, Israël est un État démocratique ce matin, mais ça, c'est dans la même idée, mais peu importe. Mais en tout cas, voilà, au niveau international, c'est toujours ce niveau-là qui est un peu compliqué. On a une Cour européenne des droits de l'homme au niveau européen. On en a moins parlé dans les référentiels, mais là, c'est vraiment un endroit, après avoir épuisé tous les recours internes au niveau national, où on peut se rendre pour dire, en fait, je ne suis pas... il y a des violations qui sont faites à mon encontre au regard de mes droits humains. Là, je parle de humains en général. Plus spécifiquement sur les droits culturels, il y a quand même des choses, des condamnations, une justiciabilité qui se fait, donc avec des jugements qui sont rendus, notamment sur des questions de censure, de liberté artistique notamment, dans différentes nations, etc. À l'international, peut-être moins. Et en Belgique francophone, il y a eu quand même une contestation qui a été faite et qui a été menée devant des tribunaux quand il y a eu des mesures d'interdiction d'ouverture de certains lieux culturels, ce que tu partageais tout à l'heure pendant le confinement, notamment avec certains centres culturels et tout le mouvement style Standing for Culture et Still Standing for Culture, avec vraiment le fait que là, ça devient un peu technique au niveau du juridique, mais c'était une décision gouvernementale, donc du pouvoir exécutif et du gouvernement fédéral qui posait des mesures de restriction de circulation, etc. Et cette mesure, elle était contestée parce qu'elle entravait l'exercice d'un accès à la participation à la vie culturelle. C'est en tout cas ceux qui ont essayé de contrer cette décision, ça s'est fait comme ça. Donc il y a des cas où ça se passe, mais comme je l'ai dit, en fait, c'est pas évident d'aller se saisir que je ne suis pas favorisé dans mon accès à la participation culturelle. Après, il y a d'autres enjeux qui jouent, par exemple, si on n'a pas les moyens d'aller dans des lieux de spectacle, de culture, etc. Et donc là, ça touche tout de suite à la question des droits sociaux, de fait de l'article 27, etc., etc., pour donner des moyens. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est compliqué comme matière, mais qu'il ne faut pas la lâcher, et qu'il y a quand même une tentative de mettre en place peut-être pas des jugements, mais en tout cas d'édicter des lois qui vont dans ce sens-là. Plus précisément, encore sur vraiment, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'endroit où ça peut se jouer, vraiment par exemple sur les centres culturels, mais sur toutes les institutions qui ont des pouvoirs délégués de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est en fait, on va évaluer les procédures et le décret des centres culturels, la manière dont il essaye de fonctionner, c'est pas de dire « Ah, ce projet-là, au niveau de son contenu, en fait, c'est pas bon. Hein. La fédération ne va pas dire ce que vous faites, c'est pas OK, il faut pas faire trop de wokisme, etc. » Non, en fait, elle va essayer de juger de la procédure qui est mise en place, qui va venir confirmer le fait que le centre culturel, il ait fait ce qu'on appelle une analyse partagée de son territoire. Donc ça veut dire qu'il soit sorti de ces lieux pour aller récolter la parole, pour avoir un peu une idée de ce qui se vit sur le territoire avec les gens, dont la mesure mesure du possible et des ressources humaines, hein, parce que les centres culturels, c'est quand même une réalité où, par exemple, ici, on est dans une structure qui a quoi, 30-40 personnes, une quarantaine de personnes, et puis il y a des centres culturels, ils sont deux. Hein, donc ils doivent quand même faire les mêmes choses. Hein, donc c'est quand même se dire aussi que c'est pas évident d'avoir un directeuriste qui nettoie, qui fait de la diffusion, qui fait de la com, etc., en même temps que tout le reste. Et quand on est plus, ben forcément, ça a une plus grande ampleur, etc. Bon, voilà, soit. Ça s'est aussi passé. Mais en tout cas, ils vont venir un peu vérifier que les procédures qui sont mises en place, ben, elles soient dans la lignée du contrat programme qui a été posé par l'institution. Donc le contrat que la structure centre culturel, elle signe avec la fédération, où elle dit, ben, sur base de ma récolte de témoignages, moi, je vais poser des enjeux pour les 5 années à venir et je vais poser un peu une programmation de ce que je veux faire en faisant un peu de la diffusion, en faisant un peu de la participation, en faisant un peu de la médiation, etc., etc. Je vais essayer de faire un peu tout ça. Et au bout de 5 ans, on essaye d'évaluer un peu tout ça de manière un peu circulaire. Hein, c'est ce qu'on appelle la boucle procédurale. C'est un crash, hein, là, ce que je vous raconte au niveau de la méthodo, mais c'est pour vous donner un peu une idée de comment ça se traduit. Et du coup, ben, l'administration, elle va évaluer ce qui est fait. Donc à ce niveau-là, il y a quand même une forme d'évaluation, de contrôle au regard des droits culturels, de comment est-ce que l'institution centre culturel, elle contribue aux droits culturels des populations de son territoire, dans ce sens-là. En retour, ben, a priori, il y a aussi une possibilité pour l'institution d'aller discuter avec l'administration et voilà, des retours qui leur sont faits par rapport à ce contrat programme-là, avec ses instances aussi, son conseil d'administration, d'orientation, etc. Sachant que dans le conseil d'administration, il y a une chambre privée et publique. Désolé, c'est un peu technique, mais dans la chambre publique, il y a une exigence de représentation politique des pouvoirs communaux et provinciaux du territoire où se trouve le centre culturel. Donc c'est aussi un autre endroit où il y a des choses qui viennent se jouer en termes de démocratie locale. Et c'est dans ce travail-là, en fait. Et c'est aussi, c'est aussi parce qu'on vit quand même des choses un peu étranges. Moi, j'ai la sensation, j'ai un petit garçon qui a 4 ans et demi, qui s'appelle Abel. Quand je le regarde, je me dis, putain, il va avoir un futur fluide. Parce qu'il y a quand même, étonnamment, dans la société, autant il y a notre bouffe s'asiatise, j'ai l'impression que nos vies sexuelles, nos identités se fluidifient. Et je pense qu'on va plus vers ça, et de plus en plus. Donc il y a quand même, dans les villes en tout cas, ça me paraît assez net que ça se queerifie. Pour moi, on est en queerification. Et puis, de l'autre côté, ben, c'est clair que le backlash, hein, c'est ça qu'on dit, il est affreux. Et qu'aujourd'hui, il y a vraiment de quoi bader et d'aller mal. Mais en fait, regardons devant nous. Ça avance, ça avancera. Moi, je pense que mon petit garçon est arrivé avec du vernis à ongles à l'école ce matin. Je pense que personne ne lui a fait de remarque et que son futur sera queer. Parce que le futur sera queer. Et il sera intersectionnel. Et bien sûr, je ne peux que y croire, sachant qu'en face, ben, ça sent mauvais, mauvais. C'est pour ça que pour nous, c'était important aujourd'hui de dire, faire de la programmation queer, c'est pas juste une case à cocher, c'est un truc général, large, important, surtout dans ces temps qui sentent le caca. Sans transition caca, c'est ça. Hello, je me présente vite fait, je m'appelle Joy, je suis artiste drag depuis 4 ans maintenant. J'ai cofondé et organisé deux collectifs, un collectif de drag kings et un collectif d'artistes racisés. Je suis un peu le tupperware de l'intersectionnalité dans mes identités et je suis minorisée sur plusieurs points. Et je voulais revenir sur toutes les discussions qu'on a eues par rapport à l'institution. Donc on a un gros PowerPoint très, wow, très impressionnant et c'est un peu comme ça que je vois aussi l'institution. Et je me demandais comment vraiment créer des ponts. Donc moi, je suis plus un actrice de terrain. On a créé nos spectacles dans des squats, dans des cabarets. On a l'habitude de créer avec 3 bouts de ficelle et un bouchon de liège. Et aujourd'hui, on est en train de rêver aux joies à avoir plus de moyens. On est de plus en plus à avoir ce fameux statut d'artiste. Donc je peux même maintenant me considérer comme drague professionnelle puisque c'est mon activité principale. Mais effectivement, ça m'interroge par rapport à cette institution et que tu disais, Sarah, que tu avais peur d'entrer dans l'institution. Et en fait, c'est aussi mon cas, et je parle de moi et de beaucoup d'artistes qui me suivent. C'est-à-dire que tout ça, là, j'étais même pas au courant que ça existait. Mais les centres culturels non plus. Ah, bah super ça. C'est pour ça que j'ai demandé au démarrage. C'est que, en fait, Thibault, il fait chier avec sa langue institutionnelle du droit, mais le droit, c'est ce langage que nul n'est censé ignorer mon cul, qui régit tous nos dialogues, et qui est un lien magique. Et donc, personne n'est au courant. Que vous, que les artistes queer soient pas au courant, ok, avec les centres culturels, franchement, j'ouvre la grande la bouche aujourd'hui. Wow, ok. Mais du coup, voilà, quoi, Donc moi, je ne savais même pas, parce que des projets, des spectacles, on en a à l'appel. On a aujourd'hui, on rêve d'avoir des moyens, on rêve d'avoir des résidences payées. Mais on a peur de pousser la porte. Et on a peur de pousser la porte pour plusieurs choses. Déjà parce qu'on a l'impression que... Moi, j'ai l'impression que tout prend beaucoup plus de temps que même envoyer un mail, faire des relances, prendre des rendez-vous. C'est du taf. Là, maintenant, je peux le faire parce que j'ai mon statut d'artiste, mais il y a beaucoup que ce n'est pas le cas. Parce que, comme tu dis, de passer de pharmacienne à drag queen la nuit, il y en a beaucoup qui ont des jobs à côté. Et c'est particulièrement difficile pour les personnes racisées. Donc des groupes dont je suis partie. Parce que là, même si nous, on arrive avec un projet, genre on veut faire un spectacle, on n'aura même pas le temps de faire des résidences. Et donc, même le cadre, les balises dont vous parlez, nous, on ne pourra même pas les faire. Quoi. Juste, c'est dans la vie de ces personnes, impossible. Donc voilà, je n'ai pas de réponse ni rien, mais c'est juste de prendre conscience de ça et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on pourrait fluidifier ce dialogue, ces interactions. Nous on est venus, enfin moi je suis venue aujourd'hui à la Louvière en voiture, un lundi matin, wouh. Mais merci. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, enfin je veux dire la plupart de mes potes ils sont en train de bosser, donc voilà, donc ça c'était, je voulais aborder ce point là avec vous. Et puis il y a aussi quelque chose par rapport, vous avez parlé de l'accessibilité du public. Et c'est aussi des questions sur lesquelles on est en train de parler, on est en train de plancher, grâce notamment à Massy et d'autres. On est en train de s'organiser, faut savoir, avec les actrices des cabarets, les artistes drag. On s'organise pour faire un barème des salaires, pour voir si on ne peut pas se syndicaliser, d'avoir plus de droits. Donc c'est en cours. Et il y a justement cette question d'accessibilité qui revient. C'est-à-dire que depuis 2019, depuis le Covid, il y a énormément de choses qui ont changé. Si je prends le cabaret Mademoiselle, maintenant c'est entre 20 et 25 euros une place au cabaret. Tout le monde ne peut plus se le permettre. Donc les institutions, ça va nous permettre aussi l'accessibilité des places. Parce que vous avez des subventions, qu'il y a des gens qui payent, enfin des gens, genre le gouvernement, qui aident à payer et qui permettent du coup aux gens. Nous. C'est nous. Ah oui, c'est notre argent en plus. Wow, non, c'est non, tellement bien fait. C'est nous. Mais du coup, voilà, pour nous, les institutions, ça va devenir primordial si on veut offrir l'accessibilité à tout le monde. Mais les gens sont encore méfiants. Les gens, c'est les spectatrices et notre communauté, parce que notre public, c'est quand même principalement des personnes queer. Mais du coup, les faire rentrer aussi dans les institutions, c'est parfois pas facile. Mais voilà, je voulais aussi remettre ça en perspective, de se dire que à la fois on aime continuer à pouvoir performer dans des endroits alternatifs, parce que politiquement c'est aussi là où on se situe, mais on a bien conscience qu'on ne peut plus vraiment faire sans les institutions si on veut manger, juste. Ouais, et puis je pense que même en fait les institutions, c'est comme le carnaval, hein. C'est pas un truc qui existe comme ça. En fait, on doit les faire. C'est les nôtres. C'est pas celle de Vincent, et lui il est là, il va partir, ou bon, il y aura quelqu'un d'autre, et moi je prendrai ta place. Mais ouais, c'est clair. Mais on doit les faire, et c'est pour ça que moi je voulais rentrer par cette histoire de témoignage, parce que ça s'est fait petit à petit, et que je suis pas arrivée en réclamant quelque chose. On m'a proposé, je devais payer mon loyer, et puis en fait aussi il y avait aussi ça, chouette, je vais faire des ateliers le samedi et puis je vais pouvoir engager des gens autour de moi, parce que si moi j'ai le statut que je peux avoir du temps pour faire gratos, parce que ce dont tu parles, j'ai 44 ans, putain, du travail gratos invisible, le fameux travail invisible, hein, de la culture. Bon, le chômage artiste, il sert à ça. C'est une subvention quand même. Alors, c'est pas énorme, hein, mais t'es là ce matin et tu feras le porte-voix pour les tiens et les tiennes. Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai truc. Il faut rentrer dans les institutions et rentrer en dialogue avec les institutions. Et c'est comme il faut aller chercher les thunes, les subventions. Si vous n'allez pas les chercher, c'est les autres qui les auront, ou même ça ne va pas partir et ce ne sera pas. Il faut fader tout ce putain de langage institutionnel de merde. Oui, non, mais et c'est là aussi, je pense qu'on a besoin d'alliés. Et j'avais un dernier point à aborder, c'est justement, vous parlez des conseils d'administration et qui prend les décisions. Et c'est encore la classe dominante qui prend les décisions. On n'a pas, enfin, je sais pas quel est l'état de vos conseils d'administration, mais je tiens à parier qu'il n'y a certainement pas une totale diversité, une totale parité. Est-ce qu'il y a au moins assez de personnes racisées, assez de personnes queer ? Parce que c'est aussi les gens qui prennent les décisions qui vont nous aider. Et si on n'a pas ça, on ne va jamais y arriver non plus, quoi. Je peux peut-être juste rebondir. Je vous suis complètement là-dedans. Désolé d'être le tenant. D'où l'importance de faire de la traduction aussi, je pense, par rapport à ce jargon institutionnel, juridique et tout ça. Donc, ça crée aussi du dialogue. Et pour répondre aussi à ta question, c'est en créant des moments comme ça, en fait, hein, de partage, d'expérience. Enfin, pour moi, c'est la clé de comment on fait en commun, en fait, au regard de nos démarches. Et je pense aussi pour nourrir. Ton témoignage, déjà merci. Hein. Je pense qu'il faut aussi peut-être voir, et ça, les travailleuses de centres culturels pourront mieux le dire que moi, parce que moi je suis plutôt dans l'observation, mais c'est quand même des gens qui travaillent à des questions de comment est-ce qu'on peut soutenir à la diffusion, à la création, etc. Comment est-ce qu'on fait de la médiation aussi. C'est des préoccupations que tu partageais, je trouve. Enfin, voilà, c'est... Après, comme dit Sarah, c'est il faut trouver la bonne porte, frapper, ou juste pousser la porte et rester avec le pied dans la porte. Hein. Ben, voilà. Et après, ce qui est aussi quand même, ce que je dirais très vite, important de savoir aussi au niveau de la réalité des centres culturels, je vous ai parlé de cette méthodologie un peu circulaire, etc., c'est que les centres culturels, ils sont tenus, vraiment, le cœur de leur obligation, c'est de faire de l'action territoriale, donc c'est-à-dire qu'ils doivent faire de l'action avec les gens au sein de leur territoire et qu'ils doivent partir de ce qui se vit sur le territoire. Ils doivent dégager des enjeux. Donc, en fait, par exemple, et là, c'est un endroit où il peut y avoir un dialogue intéressant de propositions, c'est comment est-ce qu'on arrive à co-construire, et c'est ce que tu partageais, entre ce qui se vit sur le territoire et la démarche artistique d'un ou une artiste ou un collectif, peu importe, mais comment est-ce qu'on fait du lien ensemble? Et c'est tout ce que Sarah partageait sur le faire avec, le socioculturel qui est peut-être à ressortir de ce qu'on en imagine, etc., où c'est pas que des démarches participatives non plus, mais les centres culturels, ils sont obligés de faire à partir des territoires. Ils peuvent pas arriver de manière ad hoc avec des thématiques qui ne sont pas vécues sur le territoire, alors ça ne rentre pas vraiment dans leurs obligations. Et ça, c'est, je pense, le point crucial pour travailler le dialogue, en tout cas. Juste pour intervenir lié à ça et lié à ce que tu disais, Joy, un endroit où on peut vraiment agir en tant qu'artiste ou en tant que représentant-représentante d'institutions culturelles, ce sont les chambres d'avis. Il faut savoir que, par exemple, pour attribuer les subsides, et ça va de bourses de recherche de quelques milliers d'euros à des financements, comme par exemple le financement renouvelé tous les 5 ans à Centrale, qui, je pense, se chiffre en centaines de milliers d'euros, si pas plus. En tout cas, certaines institutions ont plus d'un million d'euros de dotation annuelle. Je ne pense pas que c'est le cas de Centrale, mais c'est le cas de certaines maisons à Bruxelles. Eh bien, en fait, ça se repose en très grande partie sur des chambres d'avis où des experts-expertes siègent. Et les experts-expertes, en fait, c'est vous, c'est nous. Moi-même, je siège dans ces chambres d'avis. Alors, c'est un travail qui est lourd et qui est vraiment très peu rémunéré parce qu'on nous demande de lire entre 4 et 6 dossiers de demandes de subsides par semaine et on est défrayé 40 euros. Mais le statut, ça permet aussi ça. Et être dans ces chambres, c'est un endroit où on peut peser concrètement sur la politique culturelle de Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que c'est là où on va en gros décider qui a et qui n'a pas de subsides. morbide. Alors après, ça passe chez le ou la ministre qui a le dernier mot, mais dans 95% des cas, les ministres suivent les avis des chambres de concertation. Alors on a vu pour les, notamment pour les contrats programmes que tout à coup, des centaines de milliers d'euros ont été trouvés quand il s'agissait d'aider des maisons qui n'étaient pas assez aidées aux yeux de la ministre par nous, mais bref. Mais donc c'est un lieu où si vous avez ces compétences et ces capacités de lire des dossiers et de donner des avis dessus, eh ben on peut peser concrètement. Et je sais que par exemple, moi, j'étais, je pense, la seule personne queer. Et à moi-même, je faisais diminuer de 2 ou 3 ans la moyenne d'âge de la... Parce que c'est essentiellement des personnes de 50, 60 ans qui y sont. Mais du coup, nous, jeunes artistes, nous, artistes queer, artistes racisés, si on a ces capacités-là, c'est important qu'on aille siéger là-dedans. Parce que c'est des endroits où, très concrètement, on peut donner de la voix, on peut nous entendre. Et moi, il y a plein de fois où j'ai donné un avis, les gens étaient là, ah, mais en fait, j'avais jamais vu ça comme ça. Et ça a vraiment influé l'avis sur un dossier, en bien ou en mal. Parce qu'il y a aussi, par exemple, beaucoup de sexisme ordinaire ou beaucoup de misogynie qui n'est pas du tout déconstruite dans ces milieux-là. Et notre voix peut aider à aller mettre ça en lumière et le déconstruire. Donc, c'est important qu'on aille siéger. Parfois, ça a l'air très aride et assez affreux. Et je sais que beaucoup d'artistes ont une espèce de phobie administrative plus ou moins développée qui les éloigne de ces endroits-là. Mais si vous en avez la capacité, c'est des endroits concrètement où aller agir. Oui, pardon, vas-y, Massy a une question. Et je tends déjà le micro à Vincent qui avait une question aussi. Mais vas-y, Massy. Bonjour. Et puis on va doucement clôturer. Je n'ai pas trop structuré ma pensée. Déjà, merci pour tout ce que vous dites depuis tout à l'heure et le travail. Je vais rebondir sur plusieurs points, notamment, j'ai déjà oublié, mais la mission d'accessibilité des centres culturels qui est, pour le public qui est hyper importante. Et je connecte ça avec ta peur, qui est la même que la mienne de rentrer, qui est la même que la tienne aussi, Joy, de rentrer dans l'institution parce qu'on ne se sent pas forcément légitime. Je me pose la question du quid de l'accessibilité aux artistes dans les centres culturels, par les centres culturels. Est-ce que c'est une mission qui ne pourrait pas être plus établie? Je ne parle pas ici forcément de Centrale ou de la Vinerie, que je connais, qui font un travail exceptionnel, mais on parle de 122 centres culturels en Belgique, ce qui fait beaucoup de centres culturels qui ne proposent aucune accessibilité aux artistes minorisés, voire doublement minorisés, voire triplement minorisés. Donc, dans ces endroits-là, souvent, par choix, comme toi, Sarah, de passer par la porte du théâtre dans la rue avec le public, qui est une porte dont je peux te féliciter, mais qui est vraiment loin d'être évidente, qui n'est pas non plus un choix pour tout le monde, parce que des fois, queer, c'est dans nos vies, on l'a, c'est quelque chose avec lequel on vit, mais c'est pas quelque chose pour lequel on a envie d'être constamment, notamment au niveau professionnel. Des fois, on a juste envie d'être normal. Parce que c'est reposant d'être normal aussi quand on n'est pas queer à tous nos étages. Et du coup, je me demande qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, et les centres culturels qui se bougent le cul, et les centres culturels et les théâtres qui ne se bougent pas du tout le cul mais qui nous tokenisent. Je parle d'espaces très justement subventionnés. Du coup, comment on pourrait faire pour en fait, reconnaître ce travail, là je rebondis sur le travail invisible, puisque c'est chouette de nous prendre dans vos théâtres et de nous respecter, ou de devoir nous faire travailler encore plus pour présenter nos spectacles, mais comment ce travail de médiation pourrait être aussi, valorisé chez nous, puisqu'en fait, je pense que si dans la salle on se rend tous compte de ça, qu'à quel point les artistes queer qui vont dans les institutions font elles-mêmes un travail de médiation qui est colossal, en plus du travail de médiation que fait ou pas les centres culturels. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une manière de nous rémunérer, nous aussi, pour le travail qu'on fait dans leurs équipes, mais dans leur public, puisque c'est... Moi, je me suis habitué à manger de la violence dans tous les étages de ma vie, que ce soit sociale ou professionnelle, mais j'aimerais bien être payé pour cette violence. Et du coup, je ne sais pas si... quitte à se faire violence, autant que ça paye mon loyer. Du coup, c'est une question pour vous deux, mais aussi pour les centres culturels, si on a dans la salle ce soir... Bonsoir. Varne déformation professionnelle, clairement. Aujourd'hui, c'est une question ouverte à tout le monde. Je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais juste faire une remarque. Quand Manu nous a invités, il a dit j'ai invité des centres culturels à un cabaret, et une dame nous a répondu je vais venir, mais je ne vais pas pouvoir vous programmer cette saison parce que c'est pas possible. Puis il râlait. Alors déjà, moi, t'as eu une réponse. Elle vient et elle te dit qu'elle va pas pouvoir cette année. Le temps institutionnel, il est dégueulasse. C'est pour ça que faire du cabaret, c'est merveilleux, parce que tu as une idée le lundi, le samedi, tu l'essayes sur le plateau. Et puis tu as la réponse. Le temps institutionnel, c'est 2 ans minimum quand tout se passe bien, en termes de production. Alors, tu dois l'aimer longtemps, ton idée. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu sors ton spectacle, toi, tu es déjà parti ailleurs, tu es déjà plus d'accord avec ce que tu disais la veille. Et tu dois porter ton spectacle, si tu marches, pendant quelques années encore, avec ta vieille pensée. Et ça, malheureusement, ça, on ne va pas le remettre au bout du... Tu vois, ça, c'est... Tout le monde en souffre. Le temps institutionnel, le temps des subventions. En même temps, sans ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de commission, il n'y a pas, etc., etc. Pour le reste, je laisserai bien la parole à un centre culturel. Si, ah, merveille, madame. Bonjour. Donc, je m'appelle Manon. Moi, je travaille au centre culturel de Charleroi, qui porte bien son nom, puisqu'il s'appelle l'Éden. Voilà. Ouais, qui bosse aussi à sa manière sur ces angles-là, de plus en plus d'ailleurs. Donc, voilà, moi je vais peut-être rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, parce que finalement la rencontre artiste-centre culturel, elle se fait à plein d'endroits différents, sur plein de thématiques différentes. Là, on en est sur une qui est très importante. Avec finalement des arguments et des questionnements qui sont fondamentalement les mêmes, pas exactement, hein, mais avec énormément de similarités. La place de l'artiste dans les centres culturels est une question énorme et très compliquée, en fait, d'une manière générale. Et là, moi, j'apporterai de la nuance. Beaucoup de centres culturels, enfin les centres culturels sont assez différents les uns des autres. Nous, on a un gros paquebot comme Centrale, on a une salle de diffusion qui est très chouette. Et en effet, nous, on est dans un temps institutionnel où la programmation en salle, c'est 2 ans. 1 à 2 ans, c'est très compliqué. Il y a énormément d'autres centres culturels qui n'ont pas de salle de diffusion. Ils diffusent comme ils peuvent. Ils le font dans la rue ou en louant des salles. Et pour eux, c'est aussi beaucoup plus compliqué de rentrer dans ces processus-là de diffusion et de programmation, parce que ça n'existe pas ou peu. Et voilà, on parlait d'argent tout à l'heure. Il y a énormément de centres culturels qui ont 250 000 euros par an. Et là-dessus, ils doivent payer leurs équipes et tout le reste. Je ne suis pas en train de commencer à dire et de nous flageller, mais je pense qu'il y a en fait une très grande diversité. Et des moments comme aujourd'hui sont d'autant plus importants, parce que ce sont des moments où on peut se rencontrer et en discuter. En fait, je pense que nous, on connaît assez mal, d'une certaine manière, la réalité de nombreux artistes. Et comme c'était le cas tout à l'heure, ben voilà, nous, notre réalité, il y a assez peu de monde qui la connaît aussi. Très très bien, parce que là on a parlé de certaines de nos contraintes, mais il y en a d'autres. Quand on fait tourner des artistes, j'ai plus les chiffres en tête, mais ce sont des artistes Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est des artistes reconnus Fédération Wallonie-Bruxelles, donc pour les autres il reste déjà beaucoup moins de place en fait. Donc voilà, tout ça pour nuancer et dire que des moments comme aujourd'hui, c'est hyper important pour pouvoir se rencontrer et pour pouvoir créer des ponts sur autre chose que de la simple diffusion ou de la simple commande d'atelier ou autre, parce que c'est par ces portes-là, c'est par ces portes alternatives, par le fait qu'on se rencontre aujourd'hui, du coup, demain, on s'envoie un mail et on va essayer de se dire « Ouais, ok, là, on va mettre quelque chose en place autrement, parce qu'on a vraiment envie que ça se mette en place, mais la porte officielle de la diffusion en salle, c'est pas la bonne. » Ben, c'est ça qui est hyper important, en fait. Donc voilà, je commençais un peu par flageller les centres, enfin voilà, dire attention, nous aussi on a nos réalités, mais c'est vraiment pour terminer en disant, en fait, c'est vraiment génial qu'on puisse se rencontrer, parce que faisons autrement. On connaît les limites, on connaît le cadre, faisons-le exploser, en fait. Enfin, je veux dire, voilà, il est là, et ben pétons-le. Voilà, enfin, c'est un peu ça que je voulais dire, parce que voilà, nous, malheureusement, on est un peu obligés. Moi, j'ai un peu un travail similaire à Thibaut. Moi, je m'amuse, parce que ça m'amuse. C'est dingue. Paf, hop, encore un nouveau coup de fouet. Moi, je m'amuse à traduire ce que mes collègues font pour que la Fédé soit d'accord et continue à nous donner des thunes. C'est mon taf, en fait. Voilà. Mais justement, on connaît d'autant mieux la manière de détourner les cases. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et moi, c'est ça que, pour moi, c'est hyper important d'être là aujourd'hui, parce que ben, je vais pouvoir me dire, tiens, ces cases-là, on va pouvoir les tendre comme ça et comme ça après. Et c'est ça qui est bien, quoi. Donc voilà. Et je voulais rebondir aussi là-dessus, tu vois, cette salle, ça, c'est vraiment l'utopie des années 70, quoi. C'est chouette, hein. Grâce à cette belle utopie, on a des salles énormes, Vous connaissez beaucoup d'artistes qui ont envie de créer sur un grand plateau comme ça ? Moi, franchement, pas du tout. Non, mais sérieux, enfin, cette salle, c'est, je vais y jouer dans 2 ans, là. Ça me fait, dans 2 ans, je vais jouer ici, la meuf. Ça fait pas du tout envie, quoi. C'est une utopie des années 70 qui a dit super, on va mettre des centres culturels partout, c'est merveilleux, ce serait très bien. Hein. Mais c'est des coquilles vides. Quand on dit il y a 170 centres culturels, 122 centres culturels en Belgique, ouais. Mais il y en a combien qui payent juste le salaire de la chargée d'entretien, du bâtiment, du truc, et puis la personne qui gère, il n'y a pas un bal en fait, parce que c'est des mastodontes, ça coûte un pognon de malade, et en plus je pense que c'est un modèle, si on veut en finir avec le capitalisme, c'est pas tout à fait ça. Non mais c'est vrai. Moi je voulais rebondir sur Manon. Pas carrément. Trop fort. J'ai essayé de pas faire trop fort. Mais ils se connaissent, allez, qu'on s'entend. C'est vrai que j'ai un gabarit bien plus élevé. Donc moi, je viens du centre culturel de Chapelle-d'Erlémont. Comparé aux deux paquebots de la Louvière et de Charleroi, on est un catamaran. Ce qui est déjà un beau bateau, mais pas... voilà, on va dire un catamaran à deux coques et un beau filet au milieu. Mais voilà, c'est pas un truc de fou non plus. On fait partie des chiffres que... Manon a cité derrière, on doit payer 6 personnes, enfin pas moi, ma directrice qui est derrière vous, donc faites attention. Mais moi je suis chargé de la programmation tout public, et donc je rebondis, tant qu'à rebondir sur Manon, je vais rebondir sur Thibaut aussi. On a malheureusement des réalités, on doit coller avec notre terrain, alors oui, on doit coller aussi avec nos idéologies philosophico-politico-sociétale, mais on doit répondre à ce que notre terrain aussi demande, et il faut y aller doucement, tranquillement, et on peut pas non plus... Enfin là, ici, fin de ce mois-ci, on a un spectacle de chant d'un Bruxellois inconnu, il y a 5 spectateurs, donc est-ce que c'est vraiment agréable aussi pour l'artiste de se faire programmer pour au final que son spectacle ne soit pas joué ? On doit réfléchir à ça. Est-ce que nous, on doit aussi mettre de l'argent pour un spectacle qui ne sera pas visionné ? Nous, les places chez nous, c'est 7 euros. Tous les spectacles sont à perte. Mais voilà, c'est notre but, enfin, c'est notre job. On est subventionné pour ça. Il y en a qui reçoivent bien plus, d'autres bien moins. Mais voilà, ça fait partie du truc. Et aussi, ça fait partie de la connaissance, quoi. Moi, je suis très peu dans ce monde-là. Moi, je viens du théâtre, donc je vais voir du grand théâtre dans des grandes salles comme ça. J'adore le théâtre. Moi, je suis plus dans l'aspect théâtre que dans l'aspect spectacle. Définition étymologique, spectare, regarder, théâtre, observer. Waouh. Donc, participer. Moi, je suis plus dans ce truc-là. Et donc, je ne connais pas, en fait. Et donc, envoyez-nous des mails. Dites-nous, coucou, j'existe. Je ne savais pas que Crash Test existait avant ce matin. Envoyez-nous. Moi, je connais Cabaret Mademoiselle parce que son frère, donc le directeur, était le frère d'une amie au conservatoire. Et sinon, je ne connaîtrais pas. Et je connais Cabaret Madame Moustache parce que non, qui n'est pas. Bah, ben voilà. Mais parce que institution bruxelloise et que voilà et que je suis déjà passé devant l'Homo Erectus, mais enfin c'est tout quoi, c'est des je connais rien du tout en fait, et donc si tout ce milieu qui m'est inconnu ne vient pas me dire bonjour, j'existe. Je me suis fait refuser l'entrée chez Mademoiselle parce que j'étais un homme cis blanc. Mais je n'ai pas pu rentrer au spectacle, donc je ne connais pas. Est-ce que je peux réagir, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Que dire ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Enfin, si, beaucoup. Parce que d'abord, j'ai 59 ans, je suis gay depuis que je suis né, je pense. Et je suis passé par toutes les étapes de m'en foutre plein la gueule, etc., etc., etc., etc. Ce n'est pas très intéressant, mais il a toujours été essentiel pour moi de défendre... cet aspect-là et que j'estime que les artistes queer, autant que les chorégraphes, j'ai dirigé Charleroi Danse pendant 12 ans, autant que n'importe quel artiste a le droit d'être sur ce plateau, si grand, si horrible soit-il, chère Sarah. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui rêvent de ce plateau, mais après on en reparlera. Et effectivement... On a des obligations. Alors, en tant qu'institution, c'est vrai que le problème des institutions, il est assez intéressant. Moi, j'ai commencé à écrire des projets il y a très longtemps, et j'en ai écrit un avec Thierry Salmon. Vous connaissez peut-être pas Thierry Salmon, mais c'est un artiste, un metteur en scène extraordinaire. Et l'idée était de mélanger toutes les disciplines. On arrête de mettre des disciplines. Tous les artistes sont des artistes. Et le principe de base, c'est qu'à partir du moment où tu recherches, où tu es payé. C'est logique. Donc ici, tous les artistes qui mettent un pied ici sont payés. C'est logique. C'est la moindre des choses. Ce qui n'est pas le cas dans tous les théâtres que je ne citerai pas. Et donc, les artistes cuir ou n'importe quelle autre discipline ont le droit de venir ici. C'est logique. Et moi, peu manchot, depuis que je suis là, Alexia, je suis arrivé ici en 2017 pour ouvrir ce paquebot. C'était un centre culturel. Donc, moi, j'ai dit, on va aider des créations. Donc, on a aidé 50 projets. On a coproduit 50 projets. J'ai fait à peu près 200 000 euros de déficit par an. Alors, ce n'est pas un exemple à suivre, mais c'était essentiel pour moi. Cet outil, il doit être mis à la disposition des artistes. Là, on revient à l'équilibre. Sinon, je me ferais déjà éjecter. Pas que pour ça, d'ailleurs, mais ça pourrait encore arriver. Mais bon, bref. Donc je pense qu'il faut qu'on se voit. Il faut qu'on prenne rendez-vous, il faut qu'on parle ensemble, il faut qu'on, même s'il y a une temporalité, eh bien, on inscrit cette temporalité. Et effectivement, peut-être qu'on ne pourra pas faire le spectacle la saison prochaine parce qu'elle est finie. Ça, c'est logique. Enfin, c'est logique. Non, notre logique, elle est finie. On pourrait même penser à un moment ensemble, parce qu'on est plein de têtes ensemble, et c'est pour ça qu'on fait ce genre de moment, de se dire, bon, oui, eh bien, créons deux moments de saison où le plateau sera ouvert. Et on casse la temporalité, tu vois. Donc voilà, mais si on veut construire, comme je me rappelle avec Sarah, elle rêvait d'avoir un spectacle plus construit que simplement les numéros aussi de cabaret. Et je lui ai dit directement, ah oui, ben là, il y a une temporalité. Et on l'inscrit tout simplement. Mais en attendant, Sarah et les autres qui sont intervenus dans les ateliers, ben, ils ont été payés, c'est logique. Et n'importe quel artiste ici, qu'il soit danseur, metteur en scène, oui, évidemment, je m'embrouille un petit peu, doit être payé. C'est normal, vous êtes des travailleurs, travailleuses, comme n'importe quel autre, comme le type qui fait le ménage, ou comme le technicien qui met le cintre, ici, effectivement. Donc il faut pousser les portes, et c'est chacun en le faisant qu'on va montrer que tout le monde a droit à ces espaces. Tout le monde a droit à ces espaces. Pour moi, c'est indispensable, c'est essentiel. Et n'importe quel lieu où j'ai pu travailler, parce que j'en ai fait quelques-uns, pas au public, mais j'ai travaillé dans pas mal de théâtres, il y a aussi la volonté de la personne qui est quelque part à la tête. C'est pas pour... Mais tu dis, mais il faut transmettre cette passion-là, il faut transmettre cette envie-là. Et ça pète les murs. Hein. Franchement, c'est compliqué, mais... Ouais, c'est compliqué, parce que je peux vous dire que ces derniers temps, je me suis dit plusieurs fois... Je vais me casser, mais là, on va continuer. Merci. Alors, j'entends qu'il y a des envies d'intervenir, etc. Et oui, on a encore un peu de temps. Allez, vas-y, Joy, vas-y, reprends. Oui, non, pétons c'était les cadres juste et les horaires. Pour rebondir à ce que tu disais. Là, je trouvais qu'on commençait à toucher le cœur du problème. C'est comment accueillir des spectacles queer quand le public n'est pas prêt, c'est ça la question. Et on nous l'a déjà posé. Il y a des gens qui sont venus voir le spectacle et qui disent « Ah ouais, c'est super ce que vous faites, on adore, mais notre public, il n'est pas prêt. » Et du coup, c'est comment faire pour le préparer, en fait. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour préparer le public, pour venir, pour faire des discussions, pour peut-être commencer par un atelier, pour peut-être... Parce que moi, je pense que si t'as le bon lubrifiant, tout passe, hein. Donc, il faut trouver la bonne marque, Joy. Tu vois. Moi, ça fait 15 ans que j'entends des programmateurices, et là vraiment je m'adresse au centre culturel, qui me disent mon public n'est pas prêt pour ça, mon public, et là tu dis mais c'est quoi ton public? faut changer de public. Hein. Et donc, il y a quand même... Mais le problème, c'est que c'est pas... Le problème, c'est que même dans les dossiers de demande de subvention, c'est écrit « public concerné ». Et donc, moi, ça, c'est mon goût. J'ai un plaisir de faire chier. Donc, public concerné. Donc, du coup, je me suis fadée vraiment toute la question de c'est quoi un public, le public fantôme, le public n'existait pas, de oui, les machins. Donc, le public, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein. C'est une fiction qui fait partie de la fiction démocratique dans laquelle on vit. Ça n'existe pas. Et c'est vrai que je trouve souvent les programmateuristes assez enclines à dire « mon public n'est pas prêt pour ça ». Et je l'entends trop, et je l'entends toujours. Je l'entends pour rire, je l'ai entendu pour Boudin et Chanson, je l'ai entendu pour Les Ogres, j'ai entendu après pour tout ce que j'ai fait, parce que j'ai un petit goût pour... Mais pour tout, tout le temps. Et c'est vraiment pénible. La question c'est, oui, je crois qu'il y a vraiment quand même un changement de paradigme dans la... C'est pour moi, c'est la même idée que l'esprit de village. C'est « Ah, mais je le connais, lui, en fait. » Oui, mais tu sais pas, en fait, dans sa cave, il se met des plumes dans le cul et il danse et il sniffe du poppers. Voilà, c'est ça qui se passe en réalité. Mais le monsieur a l'air très, très bien tous les dimanches à la messe. Mais, et en fait, c'est l'esprit du village qui fait ça. Mais je te connais, en fait. Hein, c'est ce qui se passe dans les couples aussi, tu vois. Oui, non, mais je sais ce qu'il va dire. Donc, c'est, en fait, c'est ça. Et puis... C'est le programmateuriste qui s'est pris des... Comme tu dis, c'est triste, hein, la personne 5 dates fait chier. Ça, c'est sûr. Mais c'est aussi de... Alors, est-ce qu'il faut trouver du lubrifiant à chaque fois? Est-ce qu'il faut faire des ateliers? Est-ce qu'il faut? Moi, je crois que oui. C'est pour ça que je suis rentrée par là. Je pense que... Mais je pense même pour le théâtre. Parce que quand je vais à Bruxelles, de nouveau, je vais taper sur le théâtre, quand je vais à Bruxelles et que je vois que la moitié des gens dans la salle, c'est des gens du métier, et que je sais exactement à qui je vais parler, en fait, et que, bah, en fait, il y a un problème. C'est que moi, je crois que les théâtres se vident de cette majorité silencieuse qui ne va plus au théâtre. Et que le théâtre, c'est des pros, quelques étudiants, quelques sociologues, beaucoup de psycho, et basta, cosy, quoi. En fait, il y a un problème. Et c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, il faut redonner du populaire, sinon c'est le populisme. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont par contre prêts à payer 200 balles pour aller voir un mec qui est passé à la télé, parce que là, ils l'ont vu, ils le connaissent. Donc, Il y a un truc à faire. Alors, est-ce qu'on pourrait faire des canulars? Par exemple, Blanquette Lagoulue, elle a gagné Drag Race Belgique 2. Mais pourquoi pas? Ça fait partie de ce que tu disais, de foutre le bordel. Tu vois? On fait des faux logos, des faux vues à la télé, des faux... J'en sais rien. Mais des canulars, des trucs. Faut inventer des fictions pour que les théâtres en soient pas... Parce que c'est que des tout blancs aussi. C'est que des tout blancs et c'est que des gens qui ont fait des études supérieures. Mais d'ailleurs, c'est les mêmes. Hein. Dans les instances d'avis, c'est que des gens qui ont fait des études. Et dans les gouvernements aussi, c'est fini le syndicaliste, hein, l'ouvrier qui montait et qui se retrouve politique. Et ils ont même Bart De Wever qui dit au peuple, nous, on vous comprend, tous les gens, là, l'extrême droite, nous, le peuple, ils ont tous bac plus 8, bac plus 9, tout ça. Donc, il y a un truc à faire. Il y a un truc à chercher, à trouver. En tout cas, j'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé cette entrée-là. Aussi parce que j'avais un gros problème d'illégitimité, je pensais que je ne pouvais pas atteindre. Mais après, ça, je ne sais pas. Il faut trouver des conneries à faire, ça, c'est sûr. Il faut les aider parce qu'eux, ils sont fatigués aussi. Ils finissent tous en burn-out en fin de saison. Les centres culturels, ils n'en peuvent plus. Bonjour à tout le monde, vous m'entendez bien, oui. Donc moi, je m'appelle Eva, je viens aussi du centre culturel de Chapelle. Et effectivement, je suis venue avec mes collègues... Denis et Tristan aujourd'hui que j'ai invité à me rejoindre à cette formation. Cette formation dont j'ai eu connaissance grâce à la rencontre avec Vincent le mois dernier, enfin il y a 2 mois. Et donc en fait moi je voulais appuyer ce que disait Manon parce qu'il y a effectivement un gros travail parfois invisible ou souvent invisible aussi réalisé par des équipes dans les bureaux ou ailleurs, où enfin, il n'est pas toujours rémunéré en fonction des heures. Et, enfin, c'est encore un autre débat. Ce que je voulais simplement dire, c'est que il faut des moments comme aujourd'hui sont vraiment essentiels parce qu'en fait, c'est apprendre à se connaître tous et aussi apprendre à prendre le temps parce que le temps est essentiel. Il y a la temporalité de travail, de programmation, de mise en place, de création. Il y a des moments qui se recoupent, mais pas toujours. Et donc, déjà, au moins se rencontrer, dialoguer, venir en équipe. Alors moi, je rêverais, j'ai déjà été voir les spectacles du cabaret Mademoiselle, où j'ai pu rentrer, Denis. j'ai adoré, et je rêverais de pouvoir programmer un spectacle, j'allais dire ici, mais donc à Chapelle, donc juste à côté. Mais ça prend du temps. Donc déjà, venir aujourd'hui en équipe et pouvoir au moins entendre et rencontrer les artistes, c'est déjà un premier pas, voilà, j'espère. Bonjour, Pierre-Henri, je travaille à Anderlecht, dans un centre culturel également. Je voudrais juste dire un petit mot, parce que Thibault et d'autres personnes des centres culturels, et vous l'avez mentionné d'une manière indirecte ou directe, mais en fait, il faut absolument venir dans les conseils d'orientation. C'est un peu vague, c'est un peu fourre-tout. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre comment ça marche, un conseil d'orientation, honnêtement. Ça fait 3 ans que je travaille dans un centre culturel, pourtant. Mais c'est le seul moyen, je pense, pour la société civile de pouvoir vraiment venir et éclater le cadre. Il faut être Anderlectois si tu veux être dans un centre conseil d'orientation d'Anderlecht. C'est le problème. Enfin, il faut être Anderlectois ou travailler à Anderlecht, mais ça marche pour tous les autres centres culturels. Et en fait, c'est le seul moyen, je pense, pour que vous puissiez dire d'une manière ou d'une autre, nous, on veut de ça dans ce centre culturel, parce qu'en fait, c'est nos sous. Et on veut qu'il y ait des spectacles pour nous, et comme tu l'as dit, pourquoi. Voilà. Ouais, au bout, c'est le jeu, autre seul truc. Parce que moi, je ne vais pas faire, par exemple. Je suis artiste, je ne suis pas attaché d'administration. Bah, en plus, moi, je suis anderlectoise. Mais je veux dire, ce que dit Joyce, c'est la réalité. Moi je sais, vous finissez tous en burn-out en fin de saison, mais en fait nous aussi. Donc en fait il y a un problème, c'est pour ça que je dis qu'il faut en finir avec tout ça, c'est qu'il y en a un problème de trop, ça va pas en fait. Mais c'est pas grave, on va finir par se cramer vraiment tout ça. Mais donc Joy, moi, Massy, les artistes que je connais pas, je cite ceux que je connais un peu, on n'a pas le temps d'aller. Et puis c'est pas, enfin, on n'a pas le temps. Par contre, je pense qu'il y a des moyens, et c'est là où, pour moi, l'art est intéressant. Il y a des moyens de. Il faut qu'on trouve. Ce qui est important, c'est de savoir la contrainte pour pouvoir la détourner. C'est pour ça que j'ai tout de suite dit, on rentre dans la question des droits culturels. Il faut connaître la contrainte pour pouvoir la contourner, et c'est ça qui donne de la liberté de création. Et c'est juste ça, c'est trouver le truc. Quand je dis qu'il faut faire des canulars, ils sont vus à la télé, ils ont fait il faut qu'il y ait des gens complices pour dire plus de 1600 dates entre Anvers, le stade, ils sont là chez vous, touche la floche, t'as un tour gratuit, tout ce que tu veux, je sais pas ça ou autre chose. Ça, c'est la première connerie qui me vient. Mais trouver des conneries comme ça, je sais aussi que le centre culturel à Molenbeek, qui a fait un boulot, mais incroyable, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, ils sont allés taper à la porte et ils ont utilisé un truc, je vais me permettre, un truc merveilleux, le téléphone arabe. Et ils sont allés taper aux portes. C'est fatigant, mais on, voilà. Bonjour, Domenico, je suis le directeur du centre culturel Haute-Sambre, donc c'est Toin, l'Aube et Merbleu-Château. Donc c'est un des 122 centres culturels, avec la particularité de notre décret, c'est que notre territoire, il n'est pas forcément limité à une seule commune. Donc on peut avoir des centres culturels qui rayonnent sur 1, 2, 3, 4, 5 communes, avec des réalités qui sont effectivement très, très différentes des unes des autres. Pour vous donner par exemple la réalité de notre centre culturel, on est 7 équivalents et demi temps plein, donc je suis à temps plein directeur. Samuel, mon collègue, est temps plein chargé de vie associative et d'éducation permanente. Et puis j'ai une animatrice à mi-temps qui est chargée du PK et de toutes les relations avec les écoles sur un territoire comme le nôtre, c'est assez énorme. On a aussi un CEC où il y a 2 animatrices temps plein. Et puis on a un régisseur temps plein, un chargé de com temps plein et une secrétaire comptable, accueil, chargée d'administration. Voilà. Eh bien, en fait, ça peut paraître énorme, mais par rapport à tout notre travail quotidien, sincèrement, il faudrait 2 temps pleins en plus pour s'occuper enfin comme on devrait s'occuper de diffusion. parce qu'en fait, ce cadre, il n'est absolument pas restrictif. La particularité de notre décret, c'est que c'est un décret liberté, comme on l'appelle, c'est qu'on peut tout faire, en fait. Dans ces mots-là, on peut tout faire et tout créer. J'ai une particularité, c'est que j'ai été président du Centre culturel de Chapelle, où j'ai été échevin de la culture entre 2012 et 2019. J'ai donc siégé au conseil d'administration de Centrale au moment où les travaux allait être annulé, faisait polémique, et je suis monté au créneau pour défendre cette magnifique selle. Donc, il y a des points que j'adore. Et c'était une question éminemment politique, parce que dans une région comme la nôtre, en fait, à un moment donné, ce qui se passait, c'est qu'on n'allait plus avoir de théâtre. Et qu'en fait, ça veut dire que les communes de Manage, Senef, Chapelle-l'Herlaimont, La Louvière, on peut en citer plein, on n'avait plus sur un énorme territoire hyper dense, on n'allait plus rien avoir parce que cette question-là était soulevée. Et donc on a été plein d'acteurs politiques, locaux et autres à défendre en fait l'explosion aussi d'un budget. Et c'est pas grave, on s'en fout parce qu'on doit, et je trouve que la programmation de Centrale et ce qui se passe ici est absolument extraordinaire. Voilà, c'était point de vue et voilà. Et je connais aussi plein d'artistes qui rêvent d'être ici, donc je peux te donner d'autres noms en plus de ceux que tu as. Et nous par exemple, à Thouin, on n'a pas de salle. On a une salle en fait qui va avoir, je l'espère, à partir de 2026, enfin un gradinage avec 120 places. Et donc on essaie de faire de la diffusion dans des tiers-lieux, mais sur un territoire qui est extrêmement rural, où en fait 80% des spectacles, en fait, quand on reçoit la fiche technique, on ne sait les faire rentrer nulle part. Et donc on attend avec impatience en fait 2026 pour pouvoir enfin réaccueillir du spectacle. Et quand j'étais par exemple président de CPS, où je l'ai été aussi, on a trois fois par an des soupers avec le service aide aux familles. Eh bien, il y a des travestis qui venaient, en fait. Et ils venaient à 13h, ils restaient jusqu'à 15, 16, 17h. Et en fait, il y avait 120 personnes dans la salle. Et donc, du public, il y en a. Mais je pense qu'en fait, ce qui devient vraiment compliqué dans un monde en fait, qui se replie de plus en plus sur soi, c'est en fait de se faire rencontrer des publics qui se replient de plus en plus sur eux. Et donc, en fait, je pense que ce qui est essentiel, et on doit avoir un temps de dingue, on devrait, en fait, l'essence de notre métier maintenant au centre culturel, ça devrait être de faire de la médiation. Et en fait, le problème, c'est qu'on a tellement de contraintes administratives, tellement de contraintes de réunions, de autres, que ce pourquoi, en fait, on s'engage en centre culturel, c'est 10% de notre temps de travail, en fait. 80% du temps de travail, il est consacré à faire des choses. À un moment donné, voilà, quand on a rencontré la ministre il y a un mois et demi, elle a avoué avec beaucoup de transparence que, bon, attendez, parce que les dossiers, vous passez beaucoup de temps à le faire. Et moi, j'ai déjà passé mais tellement d'heures. On doit déposer notre dossier à la fin de l'année. Mais je travaille le soir, le week-end et autres. La journée d'aujourd'hui, par exemple, je vais clairement la reporter sur mon week-end parce qu'on a des choses à faire, Vincent. Enfin, c'est comme ça. Et on prend le temps de le faire parce que c'est essentiel. Et en fait, on devrait avoir ce temps-là. Et en fait, malheureusement, on ne l'a pas. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important, des moments comme ceci, je rejoins parfaitement mes collègues, où on peut se parler, on peut se rencontrer, et on peut, à un moment donné, avoir aussi le courage, parfois, de bousculer le public parce qu'il doit l'être. Moi, je vais vous donner une petite anecdote. J'arrive à Thouin, dans une commune où le PS a été mis dans l'opposition, le MR est arrivé premier, à l'Obs, c'est les engagés, donc un territoire qui a complètement changé politiquement. Et j'ai entendu une fois quelqu'un qui disait « Ah ben oui, mais il est homosexuel, je suis gay, pleinement assumé depuis très longtemps, j'ai un compagnon qui est comédien, qui a des longs cheveux blonds, qui est instituteur, voilà. Donc je m'assume pleinement, et j'ai entendu dire « Ah oui, mais maintenant il va y avoir des spectacles d'homo à Thouin. » Et en fait, dans un premier temps, je l'ai mal pris. Mais en fait, après, j'ai trouvé cette remarque extraordinaire. Parce que je me dis, ben oui, en fait, je suis la porte d'entrée. En fait. Je n'avais pas vu ça comme ça. J'avais pris comme simple gay. Mais non, mais c'est vrai, j'avais pris comme simple gay cette remarque que j'ai entendue au loin. J'ai dit, putain, sale homophobe, je vais te rentrer dedans. En fait, absolument pas. C'était une remarque extrêmement positive, en fait. Parce qu'en fait, il faut effectivement faire de la médiation et trouver le moyen de se faire rencontrer des publics différents. Et voilà, j'aimerais tellement qu'on ait le temps de le faire. Et je vous assure qu'on essaye de le faire. Mais voilà, il y a tellement de contraintes. Et à chaque fois qu'on ouvre notre boîte mail, on nous met des contraintes en plus pour que le pouvoir subsidiant, lui, n'ait plus qu'à cliquer sur un truc quand nous, on a fait des dossiers qui prennent 25 heures. Enfin, voilà. Et donc, n'hésitez pas à franchir la porte des centres culturels parce que je vous assure que le cadre en fait, des centres culturels, on le connaît tous. Enfin, Thibaut, tu rencontres beaucoup de centres culturels, donc on connaît tous ça par cœur. On sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on peut faire. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise volonté, mais il y a en fait beaucoup de contraintes, et notamment des contraintes administratives, parce qu'en termes de budget, je vous assure que le budget qu'on peut consacrer à la diffusion, ben franchement, on est entre 5 et 7%. Tout le reste, c'est des charges patronales, c'est énorme. Et en fait, on devrait avoir plus de subventions, et malheureusement, on ne l'a pas, et on est dans un monde où on critique en fait le subventionné, alors qu'en fait, quand on fait la balance, on n'est pas assez subventionné pour faire l'essence même de notre travail. Et juste pour rebondir, les conseils d'orientation, on peut tous être dans un conseil d'orientation au niveau légal. On n'est pas obligé d'habiter dans la commune. Il y a juste un intérêt, en fait, à trouver des personnes qui savent de quoi elles parlent, c'est-à-dire qui connaissent le territoire, puisqu'on est en lien avec notre territoire. Par contre, un centre culturel peut mettre dans ses statuts une contrainte supplémentaire en disant, dans mon conseil d'orientation, j'estime qu'il est pertinent de n'avoir que des gens qui sont sur mon territoire. Certains le font, certains ne le font pas. Mais donc, vous pouvez, en fait, aller frapper partout. Par exemple, des gens qui ont vécu pendant 30 ans à La Louvière et qui, maintenant, habitent en Derlecht, mais ils ont un intérêt dans le conseil d'orientation de La Louvière et on ne va pas leur dire non, évidemment, puisqu'ils connaissent ce territoire. Voilà, je pourrais parler très longtemps. Mais... J'ai envie de dire plein de trucs, mais je n'ai pas le temps. Mais bon, c'est pas grave. D'abord, je suis hyper contente. Franchement, ça fait 2 semaines que je ne dors pas, pour parler très franchement. Je me dis, mais oui, pourquoi ? Quelle idée j'ai eue ce jour-là ? Mais en fait, là, je suis hyper, hyper contente. Juste vous rassurer, en fait, c'est pas fini. Là, j'ai envie de dire, ça ne fait que commencer. Donc, écrivez-nous, écrivez-leur. Partout, on va continuer à s'organiser. Nous, en tout cas, à Centrale, Sarah et l'équipe nous a souvent dit, Lorena, mais vous êtes des filles de terrain. Moi, j'étais un peu là, non, je suis quand même souvent dans mon bureau. Mais en fait, si, aujourd'hui, je comprends qu'effectivement, enfin, là, jusqu'à jeudi passé, il y avait Edna, Suzanne, je ne sais plus qui était là, mais en résidence. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai pris le train jusque Bruxelles. J'ai été boire un verre avec Edna pour régler cette résidence entre 18 et 20 heures, parce qu'effectivement, Edna travaille en plus d'être une drag queen. Et on est prêt à le faire. Ça fait partie de notre job, en fait, de passer du temps. Et c'est un peu ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que quand tu travailles dans un centre culturel, tu travailles un peu tout le temps, un peu comme vous. Nous aussi, on prend sur nos week-ends, on prend sur nos vies de famille, on prend sur plein de choses. Enfin, j'ai pensé à vous toutes et tous, nuit et jour, depuis 15 jours, vraiment. Voilà. Et donc, ça ne fait que commencer. Donc, allons-y. Moi, je suis hyper contente de ce qui... Voilà, ça a rejoint toutes les intuitions que j'ai eues au micro de Manu il y a un an. Sollicitez-nous. Je pense vraiment, effectivement, les centres culturels, nous, on a un paquebot et on s'appelle comme ça aussi. Et franchement, souvent, nous, ça nous saoule aussi profondément. Même dans nos pratiques, c'est vraiment éreintant. Ça nous empêche parfois de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Alors, à Centrale, on a quand même la chance d'être bien soutenu. Et même par rapport au cadre légal, par rapport à ce que la Fédération Lille-Bruxelles décide pour nous, ce qu'on va faire sur le terrain, on l'a écrit clairement, notre prochain contrat programme, c'est un truc qui s'appelle l'analyse partagée des territoires. On a dit, on ne fera pas comme vous avez dit, comme vous nous imposez de faire. Parce que c'est pas possible. Et nous, on s'est dit... Donc, le truc, l'intitulé, c'est... donc, aller interroger le territoire avec un processus créatif d'interrogation. Donc, en gros, faire un questionnaire, je sais pas quoi. Non, c'est pas là qu'on a... Si, à cette journée, aujourd'hui, c'est parce que c'est avec Sarah, dans son micro-trottoir. C'est les premiers ateliers où on a entendu des gens dire « Moi, j'ai pas de lieu à La Louvière pour sortir, etc. etc. » Et peut-être on a interrogé 3, 4, 5 personnes. Alors, aux yeux de la Fédération de Bruxelles, c'est un peu tchouchi parce que sur La Louvière, c'est 80 000 habitants. Donc, 5 personnes, vous dites bien que c'est pas assez pour faire un enjeu. Mais nous, on s'est dit « Si, si, en fait, c'est plus... » Ce que les gens racontent, c'est ce que ces 5 personnes ont raconté, ça a beaucoup plus d'impact que les centaines de questionnaires qu'on a pu faire. Et tout ça pour dire aussi qu'il y a plein de formes de centres culturels. Et je pense vraiment que les artistes, queer, drag, peu importe, vous avez des ressources créatives. Enfin, vous êtes je sais pas comment dire, mais vous avez aussi une forme de militantisme un peu nouvelle qui est hyper riche pour nous aussi. Il faut pas oublier que on a des réflexes de travail, on a des habitudes de travail, on est sur des autoroutes de travail et on voit pas spécialement ce qui se passe à côté. Et allez-y, secouez-nous, interpellez-nous. C'est aussi notre job d'être à votre écoute, en fait. Et on va trouver comment. Tout ça, je pense que c'est émergent aussi. C'est vraiment là, c'est. Enfin, je vous suis sur les réseaux, tout ça, je vois votre envie de peut-être avoir un syndicat, tout ça, ça commence seulement à se créer, c'est un peu ce que j'ai retenu quand j'ai rencontré Manu. Et je suis hyper contente que le Centre culturel de Chapelle soit là, que Toin soit là, qu'il n'y ait pas que des paquebots qui aient accepté de venir, parce que nous, on travaille aussi en concertation avec eux. Et par rapport à ce que disait... Monsieur Anderlecht, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, Pierre-Henri. Je pense qu'il faut aussi qu'on rappelle à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a effectivement des territoires physiques, mais qui a des territoires de projets, qui sont hyper importants et que là-dessus, on va se retrouver et on va avancer parce que vous avez des choses à nous enseigner et nous aussi. Enfin, je suis persuadée que... Et que ça se fait, et que de plus en plus, les centres culturels... Enfin, moi, quand je suis arrivée il y a 15 ans, j'arrivais dans ce nouveau décret, je ne comprenais rien. Je travaillais à la billetterie, à l'époque. Ouais, j'étais mi-temps billetterie, mi-temps chargée de projet. Je suis toujours mi-temps, parce que je suis mi-temps accueil artiste, mi-temps chargée de projet, donc dans l'exécutif et dans les trucs qu'on réfléchit. Et encore aujourd'hui, enfin, t'entends dire, je ne sais pas trop à quoi ça sert mon conseil d'orientation, bah, on en est tous là, sur certains aspects, donc... Et c'est un truc qui bouge, c'est vraiment pas... vraiment, n'ayez pas peur de... Ouais. Et n'ayez pas peur de nous rappeler aussi que, oh là, vous tracez très vite. Et alors là, parce que tu parlais de burn-out, ralentir, mais ça, c'est mon rêve absolu, quoi. Qu'on puisse prendre le temps dans nos institutions, parce qu'on l'a pas toujours, et on l'a même rarement, parce qu'on se coltine des réunions, parce qu'on se coltine des réunions imposées avec nos partenaires, avec... les villes, avec les conseils d'administration. Moi, j'ai entendu dans un centre culturel, j'y étais pour le centre culturel de Waterloo, pour un truc personnel qui n'a rien à voir. Et l'animatrice m'a dit, non, mais moi, ramener des cuirs ici, mais j'ai le conseil, je suis dehors, en fait. Et c'est une réalité aussi. Oui, oui. Elle m'a dit ça. Et moi, enfin, parce que voilà, et on ne va pas me dire qu'il n'y a pas de personne cuir à Waterloo. Enfin, c'est à 20 minutes de... Non, non, il n'y en a pas. C'est peut-être parce qu'ils jouent au golf. Alors voilà, voilà. Voilà. C'est le village irréductible. Bref, voilà, je pense qu'on pourrait parler encore toute l'après-midi. On a tous des obligations, on a peut-être mais faim aussi. Mais oui, c'est aussi. Ce qu'on va faire. Oui, de toute façon. Mais oui, donc déjà, merci beaucoup pour les échanges de ce matin. Je pense qu'on peut déjà s'applaudir pour ça. Merci beaucoup, beaucoup à Sarah et à Thibaut pour cette merveilleuse mise en bouche et déminage et re-enminage et tout ça. Merci pour toutes les interventions. On a complètement explosé l'horaire, mais c'est chouette parce que ça a commencé à parler. C'était vraiment l'objectif qu'on avait avec cette journée. Voilà qui clôture ce hors-série Queer as Pro sur Freaks et Merveilles. Merci encore à Alexia pour le travail de co-organisation de cette journée, à Vincent Thirion, directeur de Centrale, pour sa confiance, et aux équipes de Centrale pour l'accueil et l'encadrement. Si vous n'y étiez pas, restez à l'écoute. Il est fort possible que ce ne soit que le premier rendez-vous d'une série qu'on espère longue et riche. Et d'ici là, filez écouter les autres épisodes de Freaks et Merveilles. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est un podcast imaginé, créé, monté et diffusé par Croc. Les illustrations sont de Maël Christin et les audios de King Baxter. Ce podcast est diffusé sur Radio Panique un samedi sur deux et propulsé par Murmura SBL. Merci à elle.